enrobé, patrouille de cible, j'ai le cap placé. J'vois le clean si m'en est suspect. Avant de viser, j'veux le fouiller. On s'y connaît dans la DD, veut la plaquette totale ND. Monte son boule, j'vais pas céder, j'suis en légende. On se recompète. Combien de frères ont pris perpète au beau mec, ça crie vaillant de la fenêtre. Comme une onique, tout c'est la comète. J'suis en chambre, le coquelicot. Il est en fufu, blé tropico. J'suis sur la pochette, m'du kiriko. Wesh, muchacha, wesh, muchacho. J'me la coule, Costa Brava. Coquette, comment ça va? Gros cigare, pète à vanne. J'm'en balèque de ta nana. Charbonne l'été, charbonne l'hiver. J'ai le cœur qui bat qui est à l'envers. Cette année, j'vais tout niquer. Prends pas la tête, vue sur la mer. J'viens de cité, on quitte la cité. Oh mama cita, le charbon nous a incité. Cité. Oh mamacita, le charbon nous a incité.